Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Le 17 février 1977, Maurice Reims ouvrait ainsi son discours de réception à l'Académie française. On me croit volontiers attaché aux objets. Je le fus longtemps. Pourtant, de l'accoutumance, de l'accumulation, les objets défilèrent souvent par brigades sous mes yeux, naquit une certaine lassitude. La chose finie, magnifiée, patinée, rare, devenue pour notre société un symbole de richesse, ne suscite plus beaucoup d'émotions en moi. Désormais, les causes profondes qui animent le geste de l'artiste retiennent davantage mon attention que son savoir-faire. Que sa main ait été frêle comme celle de Mademoiselle Rosalba Carriera ou déformée comme celle de Renoir, importe peu. La main n'est qu'un intermédiaire, le relais de la mémoire et la servante de l'imaginaire. Quelques années plus tôt, le célèbre commissaire-priseur et écrivain était l'invité de Pierre Lost dans Les mots-clés. Parmi les mots auxquels il lui était proposé de réagir, goût, objet, argent, œil, hôtel Drouot, collectionneur, marteau, main et Académie française, dont il révélait là l'origine de son désir d'y faire son entrée. Lui étaient aussi soumis les noms de Stendhal, Gauguin, Jules Verne et Vendongen. Pour le plaisir d'entendre Maurice Reims, Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 16 novembre 1972 sur France Culture. Mon cher maître, vous connaissez la règle du jeu des mots-clés, c'est-à-dire que je vais vous proposer un certain nombre de mots, un certain nombre de noms qui doivent déclencher immédiatement quelque chose en votre esprit. Et je voudrais vous demander de nous dire très rapidement, ou au contraire, très longuement, ce que chacun de ces mots représente pour vous. Vous y êtes ? Ouais. Le Louvre. Le Louvre, c'est une série de mots, d'images. On pense d'abord à la barrière du Louvre, et puis on pense à la Saint-Barthélemy, et puis on pense aux autocars, aux innombrables autocars qui déversent des gens à travers des salles qui sont au fond assez tristes. Alors à ce moment-là, quand on pense au Louvre, on pense à la différence entre ce que le Louvre peut avoir de triste et en même temps de prodigieusement riche, et le Metropolitan de New York, encore un musée relativement débutant, mais en même temps tellement accueillant. Le Louvre, c'est aussi les grands magasins. C'est le cœur de Paris. Le goût. Le goût. C'est très difficile de faire la part pour un homme comme moi entre la mode et le goût. Je dirais que dans l'ordre des choses, il y a ce que les anciens appelaient le grand goût. Et puis il y a la mode, qui est un peu inférieure comme qualité. C'est une question difficile. Le luthier. Le luthier. Le luthier, c'est évidemment aujourd'hui une fraction d'un roman que je viens de finir. Le luthier, c'est aussi le romantisme allemand que le romantisme italien. C'est une jolie femme des nouvelles italiennes de Stendhal étendue sur un siège et qui joue du luth, le luthier. Stendhal. Stendhal, c'est un univers de variété, de joie, de tristesse, de lucidité. Peut-être est-ce pour moi l'un des personnages les plus lucides de toute l'histoire de la littérature. Un homme sérieux qui mesure le poids des sentiments humains, qui s'y remet à trois fois avant de faire une lettre de remerciement à Balzac. Un homme qui juge que on n'appréciera son œuvre qu'en 1880 et puis qui se trompe en pensant qu'en 1880 la société sera devenue plus intelligente, plus pertinente, moins occupée des plaisirs d'argent et moins occupée des plaisirs de la frivolité. C'est un homme qui se débat dans les difficultés matérielles, qui aimerait avoir la Légion d'honneur, qui aimerait de l'Académie, qui en même temps mesure le poids des vanités. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux personnages de l'histoire de la littérature et peut-être de l'histoire du monde. L'objet. Là aussi, il y a une évaluation du mot objet qui m'est personnelle, je pense. En ce sens que pour moi, tout est objet. Lorsque j'ai écrit « La vie étrange des objets », j'ai bien expliqué que la Tour Eiffel, pour moi, c'était un objet. Parce qu'elle était d'une telle dimension, d'un tel volume, mais en même temps qu'elle se situait si bien dans l'œil que je pouvais la mettre dans le creux de ma main. Que je pouvais penser que je pouvais la mettre dans le creux de ma main. L'objet, c'est aussi bien un tableau, c'est un meuble. C'est comme pour Topfer, une femme, si elle est belle, c'est l'objet aimé. C'est au fond tout ce qui fait partie de la délectation et qui a des mesures humaines. L'argent. L'argent, pour moi, c'est la pire des choses. Après avoir fait tout ce que j'ai pu dans ma vie pour essayer d'en gagner, j'ai appris à en mesurer à la fois l'agrément d'en avoir, sûrement, mon Dieu, mais également le poids que ça peut représenter. Les obligations, les contraintes morales que cela représente. Ça a l'air d'une banalité de dire cela, mais j'ai besoin de le dire parce que ça a pesé trop longtemps sur ma vie. Et très souvent aujourd'hui, lorsqu'on me pose la question de savoir pour quelle raison j'ai quitté un métier, j'ai abandonné un métier où justement je trouvais des satisfactions, d'anciennes satisfactions matérielles, ou même social ou parasocial, je donne comme raison, et ce qui me paraît la plus effective, la plus évidente, que j'avais envie de reprendre ma liberté, de prendre ma liberté, en fait, que je n'avais jamais eue jusqu'à présent. Gauguin. Oh, Gauguin. Ce sont des images, évidemment, mais ce ne sont pas nécessairement des images de peinture qui me viennent à l'esprit. Ce sont des clichés plutôt que des tableaux de Pont-Aven. Gauguin, c'est aussi un homme qui tente d'échapper à l'argent, fils d'agent de change, et qui se dirige vers la création. Cela dit, je ne peux pas dire que j'aime l'œuvre de Gauguin. La nuit. La nuit, pour moi, quand j'étais enfant, c'était un corridor immense que j'osais à peine franchir, qui conduisait de l'entrée de l'appartement de mes parents jusqu'à la chambre de mon frère et de moi. C'était un corridor immense qui me collait une angoisse terrible à traverser, car il était peuplé de fantômes, de voleurs. Et puis, il y a quelque temps, je suis retourné dans cet appartement, j'ai voulu revoir l'appartement de mon enfance, avenue Mozart. Et je me suis aperçu que ce long chemin à travers la forêt mesurait environ 2,50 m. Maintenant, je n'ai plus peur de la nuit, au contraire. J'aimerais beaucoup y rencontrer les fantômes. Il m'arrive le soir, lorsque je suis encore chez moi, de me promener la nuit, espérant que quelques présences surnaturelles viendront. Je n'ai plus peur de la mort, mais malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de fantômes. Il n'y a que les fantômes de nos souvenirs. J'aime beaucoup la nuit. La femme. La femme, pour moi, c'est l'objet le plus aimé au monde. C'est le seul moteur de l'homme. Pas tous les hommes, d'ailleurs. Je ne veux pas dire que ce soit le mien non plus. Mais enfin, j'aurais une tendance aussi à dire des banalités, que s'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait aucune raison de vivre, en quelque sorte. Et je me souviens toujours de ce vieil homme que j'aimais beaucoup et qui avait une passion pour une très jeune femme. Et puis cette femme est morte dans un accident. Et lui, il me paraissait très âgé à l'époque, peut-être qu'il n'avait guère d'ailleurs, il n'était guère plus âgé que je ne suis aujourd'hui. Je le voyais détaché peu à peu de toutes les choses, mais rapidement des choses de la vie. Alors, il ne mangeait plus. C'était un homme jadis élégant et qui se laissait aller. C'était un homme fortuné qui s'était débarrassé de ses domestiques. Alors, je lui disais, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me répondait, moi, rien, je n'ai plus de goût de vivre. Celle que j'aimais a disparu, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller la rejoindre. Et comme je suis chrétien, je ne peux pas me suicider, mais je ne suis pas sûr que les moyens que j'emploie ne soient pas des moyens parallèles à ceux du suicide. Il est mort 3 mois plus tard. Peut-être que c'est une mauvaise réponse, mais enfin pour moi c'est ça, la femme. Le hasard. Le hasard. C'est un coin de rue justement dans lequel surgit la femme qui va être l'objet de la passion de votre vie. Le hasard, c'est ce que le hasard existe. L'œil. L'œil, c'est un couloir à images qui sépare justement l'objet qu'on aime de la sensation qu'il vous procure. J'ai jamais très bien su si tous les hommes regardaient de la même façon, si tous les hommes avaient les mêmes sentiments oculaires. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui voient les choses complètement différents d'un œil à l'autre? Vous savez, comme la vision du cheval et celle de l'homme, comme la vision du chien, dont on dit qu'elle est tellement déformée par rapport à celle de l'homme. Quand je vois le mauvais goût de certains de mes contemporains, ou même certains hommes du passé, je finis par me demander s'il n'y en a pas quelques-uns qui ont des yeux de chien et d'autres des yeux de chevaux. L'écriture. L'écriture, c'est... Écriture. Je sais pas. Bon, peut-être on y reviendra, mais j'ai rien à dire, je peux pas parler. Le soleil. Le soleil, bon, la première image qui me vient à l'idée du soleil, c'est véritablement un cliché, c'est Van Gogh, c'est les moissonneurs, c'est une chose écrasante, c'est en même temps un instrument de jouissance, et en même temps quelque chose d'assez terrible. C'est en même temps chaque matin le retour à la vie, justement quand je suis en Corse et qu'au lever du jour on voit apparaître le soleil. C'est cette répétition journalière du miracle qui est la vie. Il n'y a pas ça, le soleil. L'humour. L'humour, j'en manque pas. C'est peut-être une des choses que j'ai le plus. Mais il faut s'en méfier de l'humour, comme m'a dit un jour un de mes amis noirs. T'as beaucoup d'humour, mais tu sais que l'humour en Afrique, on prendrait ça très mal. L'humour, m'a-t-il dit, c'est peut-être une façon de manquer de cœur. C'est du contre-cœur, quelquefois, l'humour. Alors je lui ai expliqué qu'il confondait peut-être un peu l'humour et ce qu'on appelle la méchanceté. Il m'a dit non, je fais bien la part de cela. L'humour, c'est de regarder les choses avec un certain recul. L'humour, c'est d'être extrêmement indulgent à l'égard des siens, de ceux qu'on aime, et encore plus indulgent à son propre égard. Les hippies. Ah, ben, les hippies, je pense que ça fait la marque d'un manque de culture de notre époque que de s'étonner que de voir des hippies. Je crois que les hippies ont toujours existé. Et ils en campaient au Champ de Mars en 1825 ou en 1830. La police s'arrêtait de ces gens qui se déguisaient en grec ou en romain à l'époque de la Révolution française. Il y a toujours eu chez les hommes sûrement un espèce de sentiment, un amour de la liberté qu'ils ont traduit d'une façon assez enfantine par des réflexes vestimentaires. le hippisme, c'est très très vieux. Je pense que les Gaulois, avec leur barbe, leur robe, c'était des hippies aux yeux des Romains. L'hôtel de Rouault. Ah, ben l'hôtel de Rouault, c'est comme ça le temple de la curiosité. C'est un endroit que j'ai beaucoup aimé pendant longtemps, longtemps de ma vie. J'y ai beaucoup appris de choses. J'ai appris à regarder des objets défiler. Puis j'ai regardé à mieux voir les objets. Et puis j'ai appris à voir, j'ai regardé les hommes tourner autour des objets, les objets les regarder tourner autour d'eux. Et puis j'ai regardé les objets écouter toutes les sottises que les hommes disaient à leurs propos. Et puis j'ai regardé tout ce ballet des hommes et des objets. Alors c'est un prodigieux endroit qui me touche d'autant plus qu'au fond, c'est un endroit qui est resté tel qu'il était au XIXe siècle dans l'éducation sentimentale. Il y a une description de l'hôtel de Rouault à la fin de l'éducation sentimentale qui est non seulement la description la plus extraordinaire qu'on ait faite de l'endroit, mais qui est lieu pour lieu, endroit pour endroit, la description de ce qu'est l'hôtel de Rouault. C'est un endroit cocasse, bien propre à séduire Gustave Doré, Daumier et nous autres aujourd'hui. L'élégance, c'est pour moi l'extrême simplicité, mais ça n'est pas la nudité. L'élégance, c'est de savoir quelque peu précéder la mode sans tomber dans ses pièges. L'élégance, c'est Valérie dans l'écriture. L'élégance, c'est Stendhal dans l'écriture. L'élégance, c'est Paul Morand, peint par Jacques-Émile Blanche. L'arbre. Oh, là, je vais tomber dans des histoires freudiennes. L'arbre, pour moi, c'est une sorte... C'est très phallique, un arbre. L'année dernière, je me suis mis à planter des oliviers, ce qui est assez cocasse quand on a mon âge. Mais j'ai dit, ça fait rien, j'ai le temps d'attendre. On m'a dit, il faut 400 ans ou 500 ans. J'ai dit, parfait. L'arbre, c'est à la fois la naissance de la vie, l'espoir. Et l'arbre, c'est la chevelure de la terre. Le bonheur. Le bonheur, c'est de faire ce que je fais avec vous en ce moment. C'est très amusant. C'est un instant de satisfaction, c'est... Je crois pas aux immenses bonheurs, je suis même sûr qu'il n'y a pas des vies consacrées au bonheur. Le bonheur, c'est des toutes petites choses de la vie, des tout petits instants de la vie, mais qui surgissent peut-être au hasard, peut-être aussi parce qu'on a une certaine possibilité de le faire naître un peu plus que les autres. Le bonheur, c'est un truc qui passe à tous les moments de la vie, mais qu'il faut attraper comme ça au passage, et puis ne pas fonder trop d'illusions sur le bonheur, et puis surtout, quoi, c'est des petits moments de la vie. Le visage. Le visage... J'aime pas tellement le visage, je me trouve pas beau. J'aurais voulu être très beau, je me trouve pas beau. L'homme. Ah, l'homme. J'aimerais lui répondre tout à l'heure. Les nourritures terrestres. Ah, les nourritures terrestres, c'est la nourriture italienne, la nourriture chinoise, la nourriture française que je lui mets en troisième. Je ne vous donne peut-être pas exactement la réponse que vous attendiez à une semblable question, mais je trouve que la nourriture, ça joue un très grand rôle dans la vie d'un homme. Plus importante presque que la culture. Oui, bien sûr, il faut être cultivé, mais il faut savoir manger, au fond, aimer manger, et le faire d'une façon raisonnable, me paraît être une des grandes satisfactions de l'existence. C'est ça, pour moi, les nourritures terrestres. Jules Ferry, c'est un lycée, c'est l'enfance de mon père, qui raconte toujours sa vie au lycée de Chalon. Il était chalonnais, il avait eu le grand prix du conseil général de mathématiques. Alors je crois qu'on lui avait offert un tricycle. Je crois que la ville de Chalon-sur-Marne lui avait offert un tricycle à pédales. Je sais pas pourquoi j'assimile Jules Ferry à ça, à la jeunesse de mon père, à l'enfance de mon père. Jules Verne. Jules Verne, c'est évidemment les éditions Hetzel, ces images admirables, ces reliures en toile et or. C'est le monde de l'imagination, c'est un homme de lettres admirable, c'est un Lovecraft à la française. C'est un homme qui a su marier à la fois l'imagination française, l'imagination anglo-saxonne du 19e siècle, et qui continue à satisfaire les enfants et les grandes personnes. Le collectionneur. Le collectionneur, il faut faire la différence entre le collectionneur, l'amateur, le bric-à-bracomane, comme les appelait Balzac. Pourquoi est-ce qu'on collectionne? Il y a mille raisons pour lesquelles un homme collectionne. Des raisons les meilleures, c'est-à-dire comme compensation, comme... Et puis il y a les pires raisons, quelquefois pour l'orgueil. Mais de tout cela, malgré tout, le collectionneur a tout de même, il faut tout de même lui laisser cette espèce de reconnaissance qu'on doit avoir à un homme qui a toutes les époques, au pire moment de l'histoire des hommes, au moment où les gens brûlaient la bibliothèque d'Alexandrie, il devait y avoir par là quelques collectionneurs qui essayaient de sauver ce qu'on pouvait sauver. Alors, si je vous dis vraiment le collectionneur, il faudrait 400 pages pour répondre à cela. Alors, et Freud avec d'un côté, et collectionneurs, c'est un pauvre type. Le marteau. Évidemment, je me suis servi pendant de longues années d'un marteau pour exercer ma coupable industrie. Le marteau pour moi, c'est donc un maillet terminé par une boule d'ivoire. C'est le symbole de ma charge que j'exerçais, c'était celle de commissaire-priseur, et de la charge que je me suis collé sur le dos en faisant ce métier. Comme ça, pour me punir moi-même, parce que je détestais les mathématiques, j'ai jamais été capable de passer mon baccalauréat. Et mon père voulait que j'aille à Polytechnique, et moi je détestais, je ne savais pas additionner trois chiffres les uns sous les autres, en soustraire quatre. Alors, comme pour me punir, j'ai choisi un métier où moi qui haïssais les chiffres, pendant 5 jours par semaine, il a fallu que j'égrène environ 1200 chiffres par après-midi. C'est sûr, présente environ une vente. Vous imaginez ce que c'est que 1200 chiffres dans l'après-midi, 4 fois par semaine, 12 mois par an, 30 ans de sa vie. Alors, le marteau, c'est le marteau sur lequel la vie m'a tapé dessus. Oh, n'exagérons pas. Doucement, mais enfin, malgré tout, avec. D'une manière très suivie. Le cinéma. Ah, le cinéma, ça fait partie de mes petits bonheurs. Le cinéma, j'adore le cinéma. Et puis c'est un bonheur qui dure quelquefois 1h30, 1h45, c'est pas rien. J'adore le cinéma, je mange de la pellicule. Je crois que c'est la chose au monde des satisfactions extérieures qui m'amuse le plus avec l'écriture. Il y a l'écriture et puis le cinéma. J'aime beaucoup plus le cinéma que je n'aime regarder de la peinture, il faut être sincère et honnête. Le cinéma, pour moi, c'est mille peintures à l'heure. Les héritiers. Ah, les héritiers, ça fait partie aussi de mon métier. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, le monde des héritiers. Moi, je n'ai vécu, toute ma vie professionnelle ne s'est passée que parce que les héritiers ne s'entendaient pas ensemble. Si les gens s'entendaient, il n'y aurait jamais de vente publique, il n'y aurait pas de notaire, il n'y aurait pas d'avocat. Il n'y aurait pas de fiscalité. Les héritiers, c'est vraiment la chose la plus atroce qu'on puisse imaginer. Et puis c'est fondamentalement inné chez les hommes, chez les êtres humains. Un jour, comme ça, je venais de perdre mon père. J'étions à table avec mes enfants. Et puis il y avait mon fils, il devait avoir 5 ou 6 ans. Et puis à un moment donné, comme ça, il m'a dit « Et grand-papa, il est mort ?» Je lui ai dit « Oui ». Et il dit, et l'héritation, comment ça va se passer? Alors j'ai été très irrité d'entendre mon enfant me parler déjà de l'héritation. Les héritiers, c'est... il n'y aurait pas non plus Balzac s'il n'y avait pas les héritiers. La main. La main, bah, c'est encore une de vos questions sauvages, là, comme ça, je vous vois venir. C'est... Tout à l'heure, vous m'avez posé le luthier, j'ai faim de ne pas tomber dans le panneau. Mais la main, je finis par tomber dans le panneau. La main, d'abord, c'est le titre de mon premier roman. Alors, c'était un très bon roman, mais si j'avais à le réécrire aujourd'hui, je le réécrirais complètement d'un bout à l'autre. Rien n'est plus affligeant que d'essayer de relire ce qu'on a écrit précédemment. La main, c'est ce qu'on donne le plus volontiers aux autres parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas vous l'attraper et qu'on la reprendra toujours. Vendongen. Vendongen, c'est le signe du génie mis au service de l'argent. Pour moi, c'est un des hommes qui a le plus évidemment perdu sa carrière. Lorsqu'on regarde Vendongen, c'est un exemple, Vendongen. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'on voit la peinture de Vendongen jusqu'en 1920, on est émerveillé. On se dit que c'est un très, très grand peintre. Un des grands, grands peintres. Et puis, il est pris entièrement par la clientèle, la mondanité, le mondanisme. Et il commence à faire beaucoup de portraits. Donc, à partir du moment où vous faites du portrait mondain, vous commencez à vous perdre déjà quand vous êtes peintre. Et puis, enfin, à la fin de sa vie, il fait des faux, ce qui pour moi est la pire des choses. C'est-à-dire que, âgé de 70 ans ou 75 ans, lorsqu'il voyait que la peinture fauve, c'est-à-dire la peinture de l'époque fauve, celle qui se vendait le mieux, c'est toi l'admirable qu'il avait fait, se vendait à des prix énormes, il refait des fauves et des faux en même temps. Bien entendu, ça n'a plus ni la fraîcheur, ça n'a plus ni cette espèce de côté génial que ça pouvait avoir à l'époque. C'est le signe de la reddition humaine devant l'argent. L'antiquaire. L'antiquaire, là, c'est un mot à double sens que vous me posez. Est-ce que l'antiquaire, pour un homme de lettres, pour Balzac, c'est un homme dont c'est presque le métier d'avoir la connaissance de l'objet. Ce sont des gens complètement désintéressés qui souvent se groupent en société pour exploiter archéologiquement un terrain. Il y a la société des antiquaires du Nord, par exemple, ou la société des antiquaires du Pas-de-Calais, qui sont présidés souvent, tel qu'au Pas-de-Calais, par un chanoine. Ça porte encore le même nom aujourd'hui, mais enfin jusqu'au XIXe siècle, lorsqu'on disait antiquaire, on disait homme de lettres, érudit, préoccupé d'antiquité. Puis, peu à peu, ce terme a glissé, comme on dit dans le langage, dans le vocabulaire, et est devenu le mot antiquaire tel que nous concevons aujourd'hui, c'est-à-dire un homme qui a un magasin dans lequel il vend des antiquités, des objets d'art ou des pseudo-antiquités. Suivant qu'on le prenne d'un côté ou de l'autre, c'est certainement des hommes extrêmement amusants. D'un côté, ce sont des personnages pour Balzac, et de l'autre côté, c'est également des personnages pour Balzac. L'Académie française. Et je devais avoir 11 ans. J'étais au lycée La Canale. Alors, j'étais bien là dans le fond de la classe. J'étais interne, je faisais de mal à personne. J'avais perfectionné le jeu du morpion d'une façon assez, enfin vraiment, propre à faire une communication à l'institut. La bataille navale, j'étais absolument imbattable. J'avais presque, nous avions monté à deux ou trois un système qui permettait de jouer à la bataille navale à travers la classe et de loin, ce qui était tout de même extrêmement intéressant. Pour le reste, pour tout ce que disaient les professeurs, ça ne m'intéressait pas beaucoup, je n'en avais pas grand-chose à faire. De toute manière, j'étais toujours puni en fin de semaine et donc je n'avais guère de chance de revenir chez moi avant les trimestres pour y recevoir d'ailleurs des raclées. Donc alors, j'étais bien dans son classe jusqu'au jour où, je ne sais pourquoi, le professeur de sciences naturelles m'a demandé de venir jusqu'au bureau et m'a posé une question saugrenue sur un problème d'histoire naturelle. Alors j'ai hasardé une explication et il a dit « c'est pas si mal », il a dit « c'est pas si mal, je vais vous mettre un 1 sur 10 », il dit « c'est pas si mal, vous m'étonnez ». Et puis alors là-dessus, il s'est retourné vers mes collègues et il a dit « regardez Reims, regardez-le par exemple, il a un crâne en forme d'œuf, voyez-vous, c'est très intéressant, c'est le signe même du crétin congénital, voyez-vous, c'est très intéressant, les tribus primitives, c'est comme ça, bah, vous pouvez retourner à votre place ». Alors, je suis retenu à ma place, j'étais tout de même assez saisi par cette explication. Et C'est depuis cette époque-là qu'on fonce. Je rêve d'aller à l'Académie française, peut-être, pour essayer de montrer que... Mon professeur d'histoire naturelle s'est trompé. La peur. La peur. La peur, c'est quand on réalise que la mort existe. J'ai comme souvenir de la peur, ça a l'air d'une image d'Épinal, malheureusement d'une triste image d'Épinal, mais elle est tout de même là. En fait, très souvent, les gens, surtout quand on est jeune, on joue avec la mort sans croire qu'elle puisse exister. Sinon, qu'elle ne peut frapper que les autres, et qu'en tout cas, elle ne vous concerne pas. Et que la guerre, c'est comme un jeu. Et j'étais en Alsace avec 400 garçons que je commandais. Et un beau matin, au pied des Vosges, ça a été le premier grand engagement que nous avions eu. Le débarquement s'était fait facilement. Et au bout de 20 ou 25 minutes, j'y avais 65, 70 de ces garçons, soit entre 60 et 70 de ces garçons qui étaient à mes pieds morts. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que ces garçons avec lesquels je vivais depuis 2 ans, qu'on avait entraînés depuis 2 ans, en Afrique du Nord, en Italie, un peu partout, des garçons de 20 ans, leur visage semblait marquer une surprise, une énorme surprise. Comme si, comme moi, ils n'avaient pas cru que ça puisse leur arriver. Alors, pour moi, j'ai eu très peur. Et très très peur, et c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que la peur. L'expert, ce mot est un monstre de prétention humaine. Nul n'est expert en rien. Après avoir exercé un métier comme le mien, je m'aperçois que si quelques jours on trouve une machine pour faire parler les objets, on assistera, donc simplement dans le domaine de l'art ou de la connaissance de l'art, à la reconnaissance de la sottise humaine, la prétention humaine. Nul ne peut se dire expert en quoi que ce soit. Simplement, il faut, puisqu'on est obligé de donner un jugement sur des objets, qu'il est bon de donner chacun son jugement sur un objet, il faut le mettre entre parenthèses. Il faut dire « telle est mon opinion ». Je pense que cette sculpture est de Zadkine, que ce marbre est mexicain, qu'il est Tolmec ou qu'il est Toltec. Mais je peux me tromper. Peut-être qu'il est faux, peut-être qu'il a été fabriqué 1000 ans plus tôt ou 1000 ans plus tard. Vous savez, j'ai vu tellement de choses dans ma vie. J'ai vu tellement de gens dire des objets qu'ils sont si. Et puis, quelque temps plus tard, obligé par la nécessité, parce que sous l'objet avait parlé, qu'il y avait un papier qui avait surgi, obligé de se rétracter. Et tous ces gens de se rétracter le plus aisément du monde. Il n'y a pas d'expert. La voix. La voix, c'est quelque chose de traître. La preuve, c'est que la voix que j'entends lorsque je parle, c'est-à-dire la mienne, me satisfait. Je trouve que j'ai une belle voix. Mais lorsque je m'entends sur votre micro, ou lorsque j'entends ma voix, je me trouve ma voix insupportable. Le tiercé. Ah, le tiercé. Une manifestation de la sottise humaine, comme ça. Mais ça fait plaisir aux gens, il paraît. Je trouve ça toujours inouï, comme ça. Le tiercé, c'est comme les jeux de Rome, je pense que ça devait... Mais au lieu de donner des chrétiens à manger aux bêtes, on leur donne des chevaux à regarder, ça fait moins de mal, au fond. C'est assez étonnant de voir des gens qui, paraît-il, se privent souvent du peu d'argent qui pourrait leur servir à faire quelque chose d'autre, à mettre cet argent. Oh, Après tout, c'est une manière de rêver. C'est peut-être pas si mal, après tout, si ça leur fait plaisir. Et puis peut-être que toucher le tiercé, c'est aussi une manifestation du bonheur pour eux. La colère. La colère, je déteste la colère parce que je suis tellement coléreux. Il paraît que je tape des pieds, comme me disent mes enfants, quand je suis en colère. Et la colère, c'est la chose qui est la plus humiliante qui soit pour celui qui est pris de colère. Moi, je me mets en colère comme ça, 3-4 fois par an. Et chaque fois, ça m'humilie. Chaque fois, j'ai envie de me mettre en colère contre moi-même. La colère, c'est la bête qui nous habite et qui sort tout d'un coup. La Corse. Ah, la Corse, c'est encore un moment de bonheur. La Corse, pour moi, c'est un des plus beaux endroits du monde. Ça a une forme très curieuse, un doigt en l'air pour montrer la direction du ciel. C'est habité par une population de gens très étranges, très insolites, des gens d'une politesse exquise, d'une grande urbanité. Mais c'est un pays qu'il faut apprendre. C'est un monde qu'il faut apprendre. Le champagne. Le champagne, c'est mon père, parce que mon père est né en Champagne. Il est né à Chalon-sur-Marne. Il me parlait dans mon enfance des plaines de Champagne, des vendanges. C'est Claudel, je crois aussi, qui est par là, il me semble. Le champagne, pour moi, ça s'associe assez à mon bouquin des mots sauvages, je ne sais pourquoi je pourrais vous dire ça, mon dictionnaire des mots sauvages. Le champagne, c'est bon, évidemment, c'est signe de fête, c'est, je sais pas, le champagne. Moi, j'en bois pas beaucoup. Les saints. Vous avez une façon de poser les questions à double sens. Moi, j'adore les saints. Et pourtant, je ne suis pas chrétien. J'adore toute l'iconologie médiévale. Enfin, je suis très touché par une grande partie des statues de cette époque-là, comme je suis très touché par l'iconologie prémédiévale du Massif central. J'adore les saints des dames qui sont sur les tableaux de l'école de Fontainebleau, de ces dames qui se touchent les seins, la pointe des seins. J'aime beaucoup les saints. La tentation. La tentation, pour moi, c'est constant. Je suis toujours tenté. Ça, c'est aussi le bonheur, la tentation. Tentation. La tentation d'aller regarder un film de télévision pendant que je suis tenté d'écrire. La tentation d'aller au cinéma lorsque j'ai envie d'écrire. La tentation d'en prendre d'un plat lorsque je me dis qu'il n'est pas raisonnable d'en reprendre. Et voyez-vous, la tentation, c'est pas exactement ce qu'on aime le plus. C'est les choses pour lesquelles on est partagé. Je crois que ce qui est important dans la vie, c'est les moments où on n'a aucune tentation et où on va directement vers la chose. Ça n'est plus la tentation, c'est la passion. Alors je différencierais la tentation, qui est un partage entre deux choses qu'on aime, et la passion, qui n'est le partage par rien et auquel on va directement. Satan. Oh, Satan, c'est un peu comme les fantômes. Moi, j'aimerais bien le voir, Satan. J'aimerais bien le voir. Ça doit être un pauvre type, Satan. Un pauvre type sur lequel tout le monde tape tellement. Satan, c'est d'autant plus un pauvre type qu'il habite chez tous les hommes, à l'intérieur de tous les hommes. Et habiter à l'intérieur des hommes, ça doit pas être drôle tous les jours. Alors, moi, il me fait vraiment pitié, Satan. Je lui appelle Lurette, je crois que il est pas défunt, il est toujours là, mais malgré ce qu'en ait dit l'autre jour le cardinal Danielou à la télévision, il disait que Satan est partout. Moi, oui, il est partout, il est entre nous tous. Bon, pauvre type. Ouais. La gloire. La gloire, c'est ce qui survit à un homme après sa mort, qui dure à la rigueur 3 millénaires, lorsqu'il s'agit d'Homère, lorsqu'il s'agit de Platon, de 2 millénaires ou 1 millénaire, lorsqu'il s'agit de Philippe Auguste ou qu'il s'agit de César, de 100 ans lorsqu'il s'agit de Napoléon, de 5 ans ou 10 ans lorsqu'il s'agit de De Gaulle, mais qu'on aille donc me donner le nom d'un personnage glorieux qui a vécu il y a 6 millénaires. Vous savez, alors que le monde a des millions de millénaires ou des milliers de millénaires, la gloire, c'est vraiment quelque chose de fugitif. C'est toute chose qui vous permet quelque peu de survivre un peu plus longtemps que soi-même. Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions, ça survit pas non plus très très longtemps. L'essentiel. L'essentiel, c'est le jour de sa mort, d'être en paix avec... pas avec sa conscience, parce qu'on est... qui n'a pas sa conscience chargée. Mais avec ce qu'on peut avoir d'humain au fond de soi-même. L'essentiel, c'est d'avoir fait le minimum de mal aux autres. D'avoir causé le minimum de dégâts dans sa vie. La mort. La mort, c'est pour moi le cimetière du Père Lachaise. J'adore le cimetière du Père Lachaise, tout ça des endroits les plus pittoresques du monde. C'est peuplé de monuments les plus cocasses les uns que les autres, voués à l'orgueil des êtres humains. Et puis c'est les tombes qui finissent par disparaître, envahies par la végétation. Ça doit être très très facile de mourir, quoi qu'en disent les gens. Et puis c'est bien, parce que c'est vraiment la démocratie. Hein. Moi, je supporterais pas la mort s'il y en avait un qui restait là. Mais du moment que tout le monde y passe, et du moment que je crois en quelque chose, je finis par croire à quelque chose, je sais pas très bien à quoi, parce que je suis athée, j'aime bien l'idée de la mort. Ça me fait peur, il y a un mauvais moment à passer, probablement, mais je suis pas du tout contre la mort. Mon cher maître, il y a deux mots auxquels vous n'avez pas répondu tout à l'heure et vous m'avez dit « je vous répondrai plus tard ». Ces deux mots sont l'homme et l'écriture. Ben, l'écriture, c'est... ce qui se présente à moi, à ce moment-là, c'est le manuscrit. Et le manuscrit, de par ma vie professionnelle, et j'ai eu à avoir entre les mains des milliers de manuscrits. J'aime beaucoup l'écriture humaine. J'aime beaucoup l'écriture, parce que c'est pas l'écriture de chien, les chiens n'écrivent pas. Et l'écriture, c'est le mal d'écrire, c'est la difficulté d'écrire. C'est les manuscrits raturés, c'est les manuscrits de Balzac et les manuscrits de Proust. L'écriture, c'est mon étonnement devant des gens qui ne se corrigent jamais. Je pense à André Breton, que je connaissais bien et qui écrivait d'un seul jet, presque sans rien corriger. L'écriture, c'est la pioche, la pelle et la terre dure qu'il faut creuser. C'est ça, l'écriture. C'est la joie de vivre, c'est le bonheur, encore un. Et l'homme ? L'homme, vraiment, je ne sais pas quoi vous répondre lorsque c'est votre question sur l'homme. Vous ne pouvez pas m'expliquer vous-même et vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme ? L'homme, c'est un être à la fois merveilleux, un être fragile, un être périssable. L'homme est capable de tout puisqu'il... Oui, voyez-vous, ben, je pense que je partage la même opinion que vous. C'est quelque chose de pathétique, un homme. Et plus on avance en âge, plus on est indulgent à l'égard de l'homme, quand on a besoin que les autres soient indulgents à votre égard. À mon avis, on est vraiment un homme qu'à partir du moment où on devient sincère, où on se démonte soi-même, où on s'ouvre comme une chose anatomique. Un homme. Un homme, c'est pas un chien, vous comprenez? Ça a l'air idiot de dire ça, mais la différence entre un homme et un chien, c'est que un homme, c'est pas un chien. La preuve, c'est que un chien, il va lécher la main de tout le monde. Les hommes, ils lèchent pas la main de tout le monde. Ou alors un homme qui lèche la main de tout le monde, c'est un chien. Donc c'est pas un homme. C'était Maurice Reims, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 16 novembre 1972 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.